Nous cabre rhum, nous nous pas cabre l'eau capesse. Prends précaution, pape bon nous nous ni latex. Si fille à dispo, en cas de descendre à fond la caisse. Bah moi adresse, en cas de descendre même mon désesse. En bas la galeria, quoi si en abord Mercedes. Radar flashé, à 140 à bord en guette. En soum soum sa belle, nous en mode geste, rentré un jazz. À dans soirée, nous j'a fait moi rentrer en guest. Pas qu'à mener mon bilan, qu'à mener en Italie. Fille à pencher qu'on s'y cabrene, vous faites ce en Italie. En bas, en pouce, en deux temps, trois sacs à faire mousse. En pafé mousse, moi en si me fait ça en douce. En mandé, why? Il va moins ça aïe. Il va moins ça aïe. Il va moins ça aïe. En mandé, why? Il va moins ça aïe. Il va moins ça aïe. Il va moins ça aïe. Cabre rhum, nous nous pas cabre l'eau capesse. Prends précaution, pape bon nous nous ni latex. Si fille à dispo, en cas de descendre à fond la caisse. Bah moi adresse, en cas de descendre même mon désesse. En bas la galeria, quoi si en abord Mercedes. Radar flashé, à 140 à bord en guette. En soum soum sa belle, nous en mode geste, rentré un jazz. À dans soirée, nous j'a fait moi rentrer en guest. En mandé wine, il va moins ça aïe. Il va moins ça aïe. Il va moins ça aïe. En mandé wine, il va moins ça aïe. Il va moins ça aïe. Il va moins ça aïe.